On ne suit pas du corneille quand on baille au corneille. On ne joue pas les cornacs quand on n'est qu'à la fac. On n'a pas tous les droits pour avoir fait du droit. Sarko's études. Sarko's études. Je trace ma route Dijon, tout est déroutant. Je place ma goutte d'Ifred, tout est déroutant. Sous quelle république vis-tu, sous quel président? Sarko's études. Sarko's études.